La rue m'a tout appris. Mais quand on intellectuel bagage. Slice. Fuck l'individualisme, j'ai grandi dans le partage. La rue m'a tout appris, par contre on est intellectuel bagage. Faut que parler mal, c'est que des maudits, j'emmerde tous ces bâtards. Tu t'amuses, allo, prrr, prrr, y'a pas tant de bagarres. Ah ouais, gros bien, la plata, nama, tout le jet en vitesse, dans le casse-man. Moi j'avais les refaits. Les petits veulent des artistes, mais veulent le poisson sans la canne à pêche. Si t'as pas mes 5-0, c'est pas la fête. Ennemis de la galère, on est dans le business. Quand on banque est balèze, ils refusent de faire du fitness. On respecte R, mon héros, on a renversé le système. J'ai mis gilet par balle, je peux affronter la vie comme un vrai loup. La tactique, ma tessie a poussé dans un tas de shit, hein. Donc on pratique, hein. La droite à l'Omachenko, mais je prends le pont quand je viens chez toi. Deux ans sur la cheveau, viens nous tester, on va pas chez toi. Yeah, yeah, vérifie, en réfé, bébé veut galoper. Bluetooth, connecté, mais tu sens sur ton tel. Allez, je suis dans la ville, posé vers Assini, je mange la vie. Je mange la vie, je bois sur ma vie, on a tout ce qu'il faut pour trouver la vie. On est dans le business. Quand on banque est balèze, ils refusent de faire du fitness. On respecte R, mon héros, on a renversé le système. J'ai mis gilet par balle, je peux affronter la vie comme un vrai loup. Yeah, yeah.